En quête de vérité. Une pige pour faire cet album. C'est du thème, c'est des analyses sur la vie, sur ma vie, sur ce que je pense. Eh, c'est que du vrai, y'a pas de paratin, je t'agresse pas. C'est ça le rap, mon frère. Ça fait s'il te plaît. Prends le temps, écoute-moi, mets-toi solo. Prends ton casque. Écoute mon putain de message. C'est R S.